avec la seigneura je cause. Mais de quoi diable lui parler? J'aurais mieux fait de m'en aller, car je n'ai jamais su dire aux femmes des choses. Cette horloge, monsieur, la jugez-vous d'un poids tel pour la déplacer, qu'il faille l'effort de deux hommes ou trois? Ça, madame, c'est une paille, c'est une coquille de noix, on lève ça avec un doigt. C'est de la très petite ouvrage. Votre chambre au premier étage, mais je vais l'y porter. Quoi? Vous consentirez? C'est dit, seigneura, je m'en charge. Je n'osais pas vous en prier. Il fallait oser, au contraire. Tout muletier a dans son cœur un déménageur amateur. Et voilà qui me va distraire en attendant votre mari. Je suis confuse. Cela m'amuse. Tout s'arrange fort bien ainsi. L'escalier est au fond du couloir que voici. Raymond, j'abuse. C'est moi, seigneura, qui m'excuse. Je fais si piètre mine, hélas, dans un salon. Les muletiers n'ont pas de conversation.